Chapitre deuxième. Une ombre qui entend. Pendant longtemps, il avait eu une grande curiosité à Aulnay au sujet de Dudley, pour savoir de quelle manière il allait gérer sa nouvelle propriété. Chacun savait que les Carleone n'étaient pas riches et que la ferme grise exigeait de grandes dépenses pour pouvoir apporter un certain revenu. Les terres avaient besoin d'être drainées, mais le manque d'argent avait, jusqu'à ce jour, été un empêchement à cette opération, et les propriétaires de l'immeuble avaient végété, tantôt avec une bonne récolte, tantôt avec une mauvaise, sans avoir jamais enrichi ni eux ni leurs enfants, et encore bien contents lorsqu'ils pouvaient joindre les deux bouts. Comment donc aller s'y prendre Dudley Carleone pour prospérer avec un patrimoine dont son père et son frère avaient obtenu si peu, se demandaient les habitants d'Aulnay. Mais tout le monde dans le pays convint bientôt que Dudley était loin d'être un mauvais fermier. Il se mit activement à l'œuvre, et à peu de frais, il fit de grandes améliorations. De larges fossés furent creusés dans les prairies basses et l'eau ramenée à la rivière, d'où elle sortait, pendant que de nouveaux troupeaux, supérieurs aux anciens, paissaient dans des pâturages assainis, là où, pendant la gérance de Martine, ils se nourrissaient dans des prés humides. Enfin, à la surprise de tout le monde, Carleone parut un meilleur fermier que ne l'avait jamais été son pauvre frère. Mais lorsqu'on le félicitait de son excellente gestion, il répondait qu'il avait lui-même une bien faible part dans les améliorations apportées à la ferme grise, car elles étaient l'œuvre de Ralph, son intendant et son plus grand trésor. Si cette observation par hasard était faite par Dudley pendant qu'il montrait la ferme à un voisin, une tête brune, un visage pâle et aux yeux gris, sortait ordinairement de derrière une grange ou une construction extérieure, ou regardait du haut d'une meule de foin, et Ralph, l'intendant de la ferme, lui-même, apparaissait, tortillant une mèche de cheveux noirs et raides, pour approuver l'éloge donné par son maître. Les connaissances de Dudley, d'après certaines particularités dans les manières et les habitudes de l'intendant de la ferme, remarquèrent que partout où se trouvait le maître, il était certain de rencontrer le serviteur. C'était sans doute un pur hasard, mais ce fait se renouvelait si fréquemment qu'on en fit l'observation. Si Dudley donnait à dîner, Ralph s'érigeait en sommelier et servait à table, apportant dans la salle à manger une forte odeur de foin et de légumes, et généralement cassait deux ou trois assiettes de vieux chine qui faisaient partie du service qui avait appartenu à la grand-mère de son maître. Il était certain que la maladresse de l'intendant ennuyait prodigieusement les invités, mais il était certain aussi que son maître n'y prenait point garde et paraissait consulter plutôt les sentiments de son serviteur que ceux de ses hôtes ou même les siens. Ralph, le trésor des serviteurs, poli, brun et pâle, se tenait derrière la chaise de son maître, renversant sur la nappe blanche plus de vin qu'il n'en mettait dans les verres, et écoutant attentivement tout ce qui se disait. Si, par une soirée d'été, Dudley se promenait en fumant un cigare, sur la pelouse devant la maison, l'intendant se transformait aussitôt en jardinier et s'occupait à transplanter des géraniums ou à faire des boutons d'œillets. Si, par une nuit sombre, le jeune homme accompagnait une connaissance, une partie de la route allant à Aulnay, l'intendant était continuellement sur ses talons prêt à ouvrir les portes ou lui éclairer les chemins avec une lanterne. Si le dimanche, Dudley, après l'office, s'arrêtait pour causer avec un voisin dans le cimetière, Ralph l'intendant, sa sœur Marthe suspendue à son bras, apparaissant, regardant une tombe ou lisant une épitaphe, à quelques pas de son maître. Ainsi, le jeune fermier vantait-il sans cesse la fidélité et l'utilité de son serviteur, et généralement, il terminait son éloge en déclarant que si Ralph se mettait dans la tête de quitter la ferme grise, il serait bientôt ruiné. Ralph arrivait toujours à ce moment, et disait habituellement, en ôtant son chapeau et tortillant sa mèche de cheveux noirs, « Seigneur, monsieur Dudley, je ne vous quitterai jamais. » D'après le dire de son maître, Ralph était au-dessus de sa position. Il savait lire et écrire, et tandis que les autres laboureurs étaient à se chauffer le soir au coin du feu de la cuisine, fumant leurs pipes ou tirant les oreilles du gros chien de berger, l'intendant se renfermait dans sa chambre et se livrait à l'étude. Dudley et Martine lui avaient appris tous les deux beaucoup de choses, étant jeunes garçons tout en se promenant, pendant les soirées d'été, et surveillant les ouvriers à leur travail. Car Ralph était né dans la propriété ainsi que sa sœur Marthe, la femme de charge de Dudley. Le jeune homme avait donné une petite chambre à part dans l'aile du bâtiment réservée aux domestiques, à Marthe et à son frère, et là, à la nuit, ils avaient l'habitude de s'asseoir, elle se livrant à un ouvrage d'aiguille, lui écrivant ou lisant avec activité sur un vieux bureau passé de mode qui avait appartenu à sa mère. Le frère et la sœur se ressemblaient beaucoup de personnes et de manières, tous deux bruns et pâles, les traits anguleux et forts, les cheveux noirs et lisses, les yeux gris et enfoncés, tous deux grands et minces, tous deux graves, réservés et taciturnes, réguliers et systématiques dans leurs habitudes, précis et prudents dans leur manière de parler. Ils n'étaient pas très aimés des autres domestiques, mais on les respectait beaucoup, et chaque laboureur de la ferme savait qu'il valait mieux offenser Dudley que de courir le risque de déplaire à son intendant. Maître de tous les serviteurs, en possession de pouvoirs illimités, Ralph Purvis marchait d'un pas assidu et rapide, jour par jour, à la conquête de la ferme grise. Partout où le propriétaire de la terre se trouvait, ses pas rencontraient l'ombre de son serviteur de confiance. S'il parlait à quelqu'un ou rencontrait quelques personnes, Ralph était là pour écouter ses paroles et épier ses gestes. Les habitants d'Aulnay commencèrent à dire que Dudley avait cessé de changer, mois par mois, semaine par semaine, jour par jour, heure par heure, depuis ce matin de septembre, jour de l'enterrement de son frère aîné. Il était devenu maigre et pâle, nerveux et brusque dans ses manières, réservé et incertain dans ses discours. Le chagrin qu'il ressent de la mort de son frère est réellement absurde, disaient quelques personnes parmi les hommes. Il devrait chercher une affection nouvelle et se marier, disaient les femmes. Mais rien ne paraissait plus éloigné des idées du fermier que le saint état du mariage. Enfermé dans le manoir en terre qui avait appartenu à sa famille pendant 150 ans, il ne voyait presque aucune espèce de société, mais il restait assis tristement près de son foyer lorsque le temps était mauvais ou bien, par les belles soirées, flânait nonchalamment dans la ferme, causant des affaires du lendemain avec son intendant Ralph. 3 années s'étaient écoulées depuis l'enterrement de Martin Carleon, et le 3e mois de septembre, après celui qui avait vu tomber cette pluie fine qui avait trempé les crêpes et les manteaux des personnes conduisant le deuil, ainsi que les vêtements des enfants du village, ce mois, dis-je, fut froid et horriblement triste. Le dernier jour du mois, M. Théodore Broughton, le seul avoué résident à Aulnay, dînait avec Dudley. Il était venu à cheval à la ferme grise pour causer de quelques affaires litigieuses qu'il avait entre les mains pour le jeune fermier, et Dudley l'avait engagé à rester à dîner. Les deux hommes dînaient à 5 heures dans la grande salle à manger en chêne, pièce humide et froide, que le plus grand feu allumé dans l'immense cheminée ne parvenait jamais à chauffer totalement. Cette salle à manger, comme le salon, était éclairée par 3 croisées, dont 2 étaient situées sur le devant de la maison et s'ouvraient sur le jardin. L'autre donnait sur la rivière et sur la cour de la ferme. Il y avait bien peu de confort dans la distribution et l'agencement de cette grande ferme isolée et triste. Une portée de port-au-bruyant courait sous la fenêtre de la salle à manger et 3 ou 4 robustes chevaux de trait restaient immobiles, enfoncés dans de la paille humide, à quelques pas seulement de l'endroit où dînaient les deux hommes. Habituellement, lorsqu'il y avait société à la ferme grise, Ralph se montrait, portant un vieil habit de son maître et une serviette sous le bras. Cette tendance visible à l'étiquette était si éloignée des habitudes ordinaires des Carleon, qui avaient toujours vécu de la façon la plus simple, qu'elle faisait l'étonnement de tout le monde et excitait le mécontentement général. Ce butor d'intendant, avec sa figure brune, ne paraissait jamais dans la maison du temps de Martin Carleon, disaient les invités de la ferme grise, et maintenant il se glisse sans cesse dans les appartements. Durant cette soirée du 30 septembre, la présence de l'intendant paraissait particulièrement désagréable à l'avoué. Il désirait parler affaires, mais n'en faisait rien tandis que Ralph était là, derrière son maître, dans une attitude pleine de curiosité. Il dit à Dudley qu'ils pourraient bien se servir eux-mêmes et que, sans doute, la présence de l'intendant était nécessaire à la ferme, mais ni le maître ni Ralph lui-même n'eurent l'air de comprendre ce qu'il voulait dire. Le jeune homme était évidemment embarrassé et l'intendant tint bon à sa place, derrière le coude de son maître, un air résolu peint sur son visage sombre. « La vérité de tout ceci, dit l'avoué, c'est que j'ai besoin de causer quelques instants avec vous. » Relativement à l'affaire et... Ah, certainement. Vous entendez, Purvis, M. Broughton a besoin d'avoir avec moi un petit entretien particulier. Laissez-nous. L'intendant restait immobile, roulant la serviette qu'il tenait autour de son bras, et portant ses yeux de son maître au visiteur et du visiteur à son maître. « Vous entendez ?» répéta Dudley, devenant très pâle, mais ayant un éclair de colère dans ses grands yeux bleus. « Laissez-nous. Très bien, monsieur. » Et avec un salut plein de sécheresse adressé à son maître, Ralph quitta la pièce. Il ferma la porte derrière lui avec vigueur. Mais deux minutes après, Broughton, qui était assis en face, dit qu'on la rouvrait avec précaution et qu'on la laissait entrebâillée. « Vous avez des espions dans cette maison, Carleon, » dit l'avoué, en se levant de table et en allant à la porte qu'il ferma avec soin. « Je n'aime point mal parler des domestiques des autres, mais je ne puis m'empêcher de dire que je déteste votre intendant. »« Quoi ? Ralph ? Mon cher Broughton ? Mais c'est un garçon qui n'a pas de prix, le meilleur intendant de tout le pays, et d'une fidélité. »« Fidèle jusqu'à l'obséquiosité, je crois, » dit tout bas l'avoué en haussant les épaules. Puis, changeant de conversation, il discuta avec son client l'affaire pour laquelle il était venu à la ferme. Après que ceci eut été réglé d'une façon satisfaisante, ils parlèrent de différentes choses. Puis enfin, l'avoué raconta à Dudley les suppositions faites par la population féminine d'Aulnay à propos de sa résolution à rester célibataire. « Par le fait, mon cher Carleon, dit-il en riant, vous devriez choisir un bon parti. Et ceci me rappelle une idée qui m'est venue bien souvent. Et cette idée, c'est qu'Agnès Marlowe, la fille du recteur, serait celle qu'il vous faudrait pour faire une bonne épouse. » Dudley bondit comme s'il eût été piqué. Une sueur froide perla sur son front pâle, qu'il essuya d'une main tremblante, comme il répondait en hésitant. « Oh non, non, Agnès, c'est la dernière que je choisirai. N'avez-vous pas eu connaissance de ses engagements avec mon pauvre frère Martin ?»« Oui, j'ai su qu'il devait se marier, et c'est pour cette raison que je crois que ce serait un parti fort convenable pour vous. Vous auriez l'air de remplir les intentions de votre pauvre frère en la faisant maîtresse de la ferme grise. » Le cœur d'Agnès est enterré dans la tombe de Martine. Savez-vous bien, Broughton, que je crois fermement que le chagrin qu'elle a éprouvé de la mort de mon frère a exercé une certaine influence sur son esprit et qu'elle a quelque chose de dérangé depuis cet événement. Dudley prononça ces mots lentement et dans un effort pénible. Bon Dieu, qui a pu vous donner de telles idées ? Parce qu'elle m'a témoigné une aversion visible depuis que je suis devenu propriétaire du domaine, comme si réellement elle me détestait parce que je suis le maître de la ferme grise. Bon, mon cher ami, pure imagination de votre part, j'en suis certain. Qu'il en soit ce qu'il vous plaira, mais Agnès est la dernière personne que je songerai à épouser. Comme vous voudrez. Je n'ai pas la prétention de vous choisir une femme, mon cher Carleon, mais ce que je dis, et ce que dit tout le monde, c'est que décidément vous devriez vous marier. Quelle triste existence vous devez mener dans cette vieille demeure sombre, sans autre société que cet obséquieux intendant et sa sœur, votre gouvernante, tout aussi obséquieuse. Pensez donc seulement, mon ami, combien la jolie figure souriante d'une gentille jeune femme éclairerait le bout de cette longue table. Bien, bien, je verrai ça, dit Dudley en se levant de table avec son ami. Comme ils allaient quitter la salle, le jeune fermier se versa un verre d'eau-de-vie d'une bouteille placée sur le buffet et l'avala d'un seul trait. Pendant ce temps, les yeux de Broughton erraient machinalement autour des murs de la salle, regardant les vieilles peintures. En faisant cela, son regard s'arrêta par hasard pendant un instant sur la fenêtre donnant sur la cour de la ferme. Il faisait tout à fait nuit, mais dans l'obscurité, il aperçut distinctement une paire d'yeux fixés sur eux derrière un carreau. Il découvrit en même temps une main rouge et calleuse qui avait soulevé le panneau de la fenêtre à une hauteur d'environ 3 pouces. « Je vous ai dit, Carleon, que vous aviez ici des espions » répéta-t-il en élevant la voix de façon à être entendu de la personne qui était dehors. « Regardez à cette croisée !» Mais quand l'avoué et Dudley atteignirent la fenêtre en question, ils ne purent rien voir. Seulement, dans la demi-obscurité de la cour, ils aperçurent une silhouette qui conduisait les chevaux de trait à l'écurie. « Je ne me trompais point, » dit Broughton, « l'espion, c'est votre intendant. J'étais sûr de moi à cause de l'éclat farouche de ses yeux. Dudley, ma profession me met en rapport avec d'étranges personnages. Cela peut me rendre soupçonneux ou seulement prudent. Tout ce que je puis vous dire en ami et en conseiller, c'est ceci, prenez garde à cet homme. Mon cher ami, j'ai le plus grand respect pour votre sagacité magistrale, mais vous vous trompez totalement. Je confierai à Ralph des monceaux d'or. Confiez-lui toutes les mines de la Californie, si vous voulez, mais ne lui confiez pas vos secrets. » Le visage de Dudley devint aussitôt écarlate. « Juste ciel, » il avouait. « Savez-vous que je considère ce garnement tellement comme un espion et un serpent que si je ne le voyais là-bas, hors de portée d'entendre et conduisant ses chevaux, je croirais, en me retournant, le voir derrière mon épaule. » Marthe a servi le café dans le salon, monsieur, et d'une voix à quelques pas derrière les deux amis. Dudley et l'avoué se retournèrent brusquement. Ralph se tenait à une petite distance de la porte ouverte à l'autre bout de la pièce. « Je rentrais les chevaux, monsieur, lorsque je vous ai vus tous les deux à la fenêtre. C'est pourquoi je les ai confiés à William, et je suis accouru ici pour vous dire que le café était servi. » Lorsque Dudley et son visiteur entrèrent dans le salon, ils trouvèrent Marthe occupée à ranger les tasses et les soucoupes sur une petite table auprès du feu. Parée modestement, vêtue de gris sombre, avec ses cheveux plats et noirs collés sous son bonnet blanc, elle allait et venait dans la salle éclairée par le feu, aussi légèrement que si elle eût été la reproduction fantastique de l'une des sombres peintures accrochées sur les murs lambrissés. En marchant dans la clarté brillante du feu, elle projetait une ombre sur le parquet ou sur les murs, et toute irrégulière et hideuse que parut cette ombre, elle paraissait encore plus sombre lorsqu'elle passait devant le maître de la ferme grise. On amena le cheval de l'avoué devant la porte d'entrée quand l'horloge du salon sonnait 8 heures. Dudley suivit son ami jusque dans le jardin. Ralph tenait le cheval. Broughton haussa les épaules à la vue de l'intendant, mais il se mit en selle sans dire un mot. « Je vais vous reconduire un peu, Broughton, » dit Dudley, comme l'avoué lui souhaitait le bonsoir. « Irai-je avec vous pour ouvrir la porte, monsieur ?» demanda l'intendant. « Non, je l'ouvrirai moi-même. » Il faisait tout à fait nuit, et un épais brouillard s'élevait de la rivière près de laquelle marchaient les deux amis. L'avoué avait mis son cheval au pas, et Dudley tenait la bride pour guider l'animal le long de la berge étroite. Lorsqu'ils eurent atteint la barrière qui marquait la limite de la ferme du côté d'Aulnay, le jeune homme souhaita une bonne nuit à son ami et retourna lentement à la maison. Une figure sombre s'éleva des bords inclinés de la berge et se tint à ses côtés. « Puis-je vous dire un mot, maître ?» demanda l'intendant. « Vous pouvez parler, je pense, » dit Dudley, sans regarder ni témoigner la moindre surprise de l'apparition soudaine de son serviteur. « Mais m'écouterez-vous ? » « Oui, » répondit son maître, marchant doucement, la tête baissée et les mains dans les poches. « Et répondrez-vous à ce que je vous demanderai ? Peut-être. « Il vaut peut-être mieux que je ne parle point ici. Quelqu'un de la ferme peut se trouver dans ses prés et écouter. C'est vrai, cela pourrait gâter votre affaire. Où faudra-t-il que je parle alors ? Dans votre chambre, dans la petite pièce en haut de l'escalier dérobé. Mais que pouvez-vous avoir à me dire ce soir ? Ne vous tourmentez point de cela. Voulez-vous l'entendre, oui ou non ? Ou bien dois-je aller au nez et dire à cette dame que... Voulez-vous que je vous jette dans cette rivière ? « Je n'ai point peur, monsieur, » répondit Ralph en ricanant. « Cela ferait trop de bruit dans le voisinage. » Dudley resta silencieux pendant le reste du trajet jusqu'à la maison. Il marchait, son chapeau enfoncé sur les yeux, ne regardant ni à gauche ni à droite. L'intendant le précédait de quelques pas. Il ouvrit la grille et se rangea respectueusement pour le laisser passer. Comme le propriétaire de la ferme grise traversait la salle et ouvrait la porte du salon, il se retourna et dit à son intendant, d'une voix assez haute pour être entendue des autres domestiques, « Avant d'aller vous coucher, Purvis, préparez-moi vos comptes, j'irai dans votre chambre les examiner. » Le vent d'automne soufflait avec des hurlements tristes et étranges, et des sons inarticulés et plaintifs s'élevaient des champs plats et nus. Le brouillard sortait de ces terres dépouillées et des prairies basses, et s'étendait comme un funèbre voile sur lequel la rivière coulait lentement pour aller se jeter au loin dans la mer. Il semblait qu'il y avait dans la nature de cette profonde et tranquille rivière quelque chose d'analogue à celle de l'intendant. Comme lui, elle était sombre et silencieuse, elle glissait furtivement et était constante dans ses desseins. Comme lui, elle était sur vos talons au moment où on s'y attendait le moins, puis s'éloignait la dérobée pour aller se perdre dans l'obscurité de la nuit. Comme lui, sinueuse et tortueuse dans son cours, on arrivait près d'elle sans y songer et son aspect, comme celui de l'intendant à la figure sombre, inspirait un dégoût instinctif et déraisonnable. De malheureuses paysannes s'étaient rendues en cachette sur ces tristes bords et s'étaient noyées tranquillement dans les courants où l'eau était profonde. À 20 000 de la ferme grise, un fils avait frappé son père d'un coup de poignard au cœur et jeté le cadavre, pendant la nuit, dans les flots trompeurs qui avaient rapporté le corps le lendemain matin, et l'avait déposé raide et défiguré sur le rivage. D'horribles choses étaient associées à ces eaux d'un aspect si triste, et comme elles coulaient en serpentant autour des murs de pierre de l'habitation isolée, elles donnaient un aspect encore plus sinistre aux masses sombres des constructions qui composaient la ferme grise. Au plus épais de la nuit, les mariniers descendant la rivière sinueuse avec la marée pouvaient apercevoir une lumière briller à une petite fenêtre derrière l'habitation. C'était la fenêtre du petit cabinet de l'intendant. Sur le plancher de cette chambre, un homme était étendu, ses cheveux noirs et plats traînaient sur le sol, et son pâle visage était taché et couvert du sang qui s'échappait d'une blessure qu'il avait au front. Un second personnage, à la figure blême et aux yeux bleus remplis de colère, était penché sur lui, son genou sous sa poitrine, en tenant d'une main les plis de sa grossière cravate de laine. « Vous pouvez me tuer si vous voulez, maître, » dit l'intendant d'une voix étranglée, « mais aussi sûr que j'existe, c'est le prix que j'exige pour me taire. » Espion qui écoutait aux portes, debout, et lavez-vous le visage. « Demain, vous et votre sœur partirez pour Londres, je vous suivrai dans 8 jours. »« Et vous nous donnerez le prix convenu ?» demanda Ralph en se relevant et s'essuyant vivement le visage plein de sang avec un mouchoir de coton rouge. « Jusqu'au dernier sou, bourreau !» répondit Dudley en ouvrant la porte du petit cabinet d'une main prudente. Puis il descendit avec précaution l'escalier conduisant à son appartement.